En mars dernier, l'Arctique et l'Antarctique enregistraient des records de chaleur pour cette période de l'année. Si les causes de ces records sont différentes entre les deux pôles, leur envergure a provoqué un émoi particulier dans l'opinion publique. Quelles sont les raisons de ces pics de chaleur au pôle? Sont-ils un symptôme du réchauffement climatique, l'un de ses moteurs ou bien les deux à la fois? Enfin, quelles seront les conséquences à l'échelle locale et globale de ce type de pic de chaleur? Beaucoup de questions qui restent pour l'instant en suspens et qui mériteront de patientes recherches en contraste avec l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. Pôle, attention, dégel, c'est le programme polaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces records de chaleur en Arctique et en Antarctique, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Catherine Ritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, directrice de recherche émérite à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble et vous êtes présidente du Comité national français des recherches arctiques et antarctiques. Nous sommes également en duplex depuis les locaux de France Bleu Isère à Grenoble avec Jérôme Chaplaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de glaciologie de Grenoble et vous êtes l'ancien directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et vous êtes le président de la fondation Ice Memory. Mais avant d'entamer notre discussion, il est l'heure de retrouver, comme chaque jour, celle qui régule la température de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature Communications. Toutes les briques élémentaires de la vie viennent d'être découvertes à l'intérieur de météorites. Oui, les briques nécessaires pour l'ADN, ce sont les nucléobases. Sur les 5 bases qui constituent l'ADN et l'ARN de notre génome, il y a les purines et les pyrimidines. La famille des pyrimidines, c'est la cytosine, la thymine et l'uracile, les lettres CTU. Pour la famille des purines, c'est l'adénine et la guanine, les lettres A et G. Alors dans des études précédentes, dans des météorites, nous avions déjà trouvé 3 des lettres de ces nucléobases, sauf la cytosine et la thymine. Une équipe internationale a analysé 3 météorites vieilles de 4,5 milliards d'années. Grâce à de nouvelles méthodes analytiques, les chercheurs ont poussé un peu plus loin les limites de détection et ils ont identifié ces 2 dernières lettres manquantes du code génétique. Cette étude, ça ne veut pas dire que la vie se crée dans l'espace, mais cela confirme que les météorites transportent avec elles toutes les molécules nécessaires pour l'apparition de la vie sur Terre. Cornelia Mernet est directrice de recherche au CNRS en chimie analytique à l'Institut de chimie de Nice. Là, en fait, les chercheurs ont pensé que peut-être le cytosine et le thymine sont un petit peu plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on n'était pas capable de détecter avant. Et pour cette nouvelle étude, ils ont soumis des échantillons des 3 météorites avec une procédure d'extraction très spéciale, particulièrement doux, pour ne pas casser les nucléobases un petit peu plus fragiles, le thymine et les cytosines. Et cette extraction douce était aux conditions froides avec des ultrasons. Avant, c'était toujours fait dans des conditions chaudes. Et ça, peut-être, a cassé le thymine et les cytosines. Et dans cette étude, ils ont utilisé le lot froid et le ultrason, qui est beaucoup plus douce pour préserver, en fait, les nucléobases. Et maintenant, avec cette étude, ils ont en fait, en total, trouvé tous les 5 lettres nécessaires pour le génome, le CTUAG. Et ils ont détecté les 5 lettres, mais aussi plus d'autres dérivés des nucléobases. Et après, ils ont analysé aussi le sol autour des météorites pour savoir est-ce que le sol ressemble ou contient les mêmes nucléobases, les mêmes 5 lettres et des dérivés trouvés dans les météorites. Et là, en fait, ils ont vu que dans le sol qui est autour des météorites, les composés sont différents. Les ratios, il y a certaines nucléobases qu'ils ont trouvées dans ces sols, mais pas tous et pas dans le même ratio que dans les météorites. Et ça, ils ont conclu que l'identification dans les météorites, c'est vraiment un signe que les nucléobases trouvées dans les 3 météorites analysées, ça vient vraiment de l'espace. Pour moi, cette étude a bien montré que actuellement, des chercheurs sont capables de trouver, identifier ces briques élémentaires pour la vie dans des très très faibles concentrations dans des échantillons extraterrestres. Et ces analyses confortent en fait l'hypothèse selon laquelle la vie sur Terre pourrait provenir de l'espace. Il y a plusieurs chercheurs qui favorisent cette hypothèse de l'origine extraterrestre des molécules, des briques vivantes nécessaires pour créer la vie sur Terre. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science of the Total Environment, même en haute altitude, les lacs sont touchés par la pollution humaine. On a longtemps pensé que les lacs de montagne étaient des environnements vierges. Cette étude montre que les dépôts atmosphériques de polluants organiques persistants contaminent ces écosystèmes fragiles. Une équipe internationale a analysé la composition de l'eau de 8 lacs des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Tous ces lacs contiennent un cocktail chimique complexe, je cite. En tout, 151 produits chimiques ont été détectés. Des pesticides, des fongicides et même des produits de nettoyage, du benzothiazole, un produit cancérogène, et des insectifuges comme le diazinon et la permétrine à des concentrations élevées. Selon les auteurs, les crustacés ont déjà été impactés par cette pollution chimique, ce qui pourrait aussi impacter la qualité de l'eau. En bref toujours, l'Inde est actuellement frappée par une canicule d'une ampleur inédite. 46 degrés à Delhi, 48 degrés dans le Rajasthan. 1,3 milliard de personnes sont touchées par une vague de chaleur aux températures extrêmes. Selon l'IMD, le département météorologique indien, ces canicules devraient continuer la semaine prochaine. Alors si les mois de mars à juin sont les mois les plus chauds, ces pics de chaleur sont inhabituellement précoces et surtout particulièrement intenses. Le mois de mars avait déjà battu des records de température. Cela ne sera pas sans conséquence pour l'agriculture, les récoltes de blé et les ressources en eau. L'IMD soupçonne l'un des effets du dérèglement climatique. En 20 ans, le nombre de canicules dans ce pays a presque doublé. Et enfin, la Chine va elle aussi se doter d'un système de surveillance et de défense pour faire face à la menace d'impact d'astéroïdes. C'est ce que vient d'annoncer la CNSA, l'agence spatiale chinoise. La CNSA développe un logiciel de simulation d'impact avec un géocroiseur et compte effectuer prochainement ses premiers tests. À l'instar de la mission américaine DART, la Chine devrait tester un système d'impacteur cinétique sur un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux pour tenter de le dévier de sa trajectoire. Ses premiers essais devraient avoir lieu d'ici 2025-2026. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Le 18 mars dernier, l'Antarctique connaissait un record de chaleur pour la saison. Avec moins 11,2 degrés Celsius enregistrés, la température était supérieure de 40 degrés aux moyennes de saison. Au même moment, l'Arctique enregistrait de son côté des températures 30 degrés plus chaudes que les températures habituelles. Ces pics de chaleur polaire intriguent et inquiètent la communauté scientifique, tant les pôles sont à la fois des régulateurs du climat, mais aussi des témoins privilégiés de l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons donc discuter de tous ces éléments et des questions scientifiques que cela soulève avec nos invités, Catherine Ritz et Jérôme Chaplaz. Mais avant cela, un petit rappel des faits avec un extrait d'une vidéo tirée du Huffington Post. Imaginez qu'au lieu de 10 degrés un matin du mois de mars, il fasse 40 ou même 50 degrés. C'est exactement la situation au pôle sud et au pôle nord depuis plusieurs jours. Dans l'Arctique, on est par endroits à 30 degrés au-dessus des normales saisonnières, jusqu'à 3,9 degrés au-dessus de zéro à Svalbard en Norvège par exemple. C'est du jamais vu depuis qu'on y a installé une station météo en 1944. Dans l'Antarctique, pourtant la région la plus froide du monde avec moins 55 degrés en moyenne, la situation est encore pire. La base de recherche de Concordia a enregistré moins 11,5 degrés. C'est un record absolu depuis plus de 25 ans dans cette région du monde. Bien sûr, la situation est exceptionnelle. C'est un peu comme une vague de chaleur qui durerait une semaine en France. Mais elle n'en est pas moins très inquiétante pour les scientifiques. Le réchauffement des pôles est calculé, lissé avec une très grande justesse. Mais les climatologues établissent aussi des prévisions sur ce que l'on appelle les événements climatiques extrêmes. Vagues de froid, sécheresse, pluie torrentielle, etc. Et cette vague de chaleur, qui est donc un événement climatique extrême, elle dépasse toutes les prévisions des scientifiques. Le réchauffement climatique a un impact clair en Arctique, qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Mais il est encore trop tôt pour attribuer cette vague de chaleur avec une certitude absolue au changement climatique. Ce que l'on sait, c'est que cette vague de chaleur est due à un mouvement d'air chaud et humide qui vient d'Australie pour l'Antarctique et des États-Unis pour l'Arctique. Voilà, plusieurs éléments dans ce rappel des faits. Catherine Ritz, on peut peut-être commencer en rappelant, si tant est qu'il est important de le faire, en rappelant les distinctions qui existent et qui sont fondamentales entre l'Arctique et l'Antarctique. On les présente toutes les deux, ces deux régions du monde sur le même plan, mais elles sont très différentes. Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux pôles? Alors, l'Arctique qui est au nord, c'est un océan entouré de terre. L'Antarctique qui est au sud, c'est un continent entouré d'océans. Donc ça fait vraiment une différence fondamentale, ce qui fait que c'est peut-être un hasard que ça se soit passé en même temps, et il y a vraisemblablement, ce ne sont pas les mêmes processus qui sont en jeu au nord et au sud. Et justement, on va en parler tout au long de cette heure, des distinctions à faire entre ces causes, selon qu'on se trouve en Antarctique et en Arctique. Jérôme Chaplaz, à l'instant, Catherine Ritz disait que c'était peut-être un hasard que ces deux pics de chaleur surviennent en même temps en Arctique et en Antarctique. Ça n'avait jamais été observé de façon concomitante, des pics de chaleur dans ces deux pôles? Oui, je corrobore ce que Catherine a dit. La probabilité que des événements comme ça se produisent de manière simultanée aux deux pôles est très faible. Et ce sont des événements qui sont liés à des mécanismes différents. Donc il ne faut pas effectivement en tirer des conséquences sur cette synchronicité. Mmh. Voilà. Le journaliste dans l'archive parlait d'un phénomène jamais vu. Ça n'avait jamais été enregistré à ce degré d'amplitude, Catherine Ritz, des pics de chaleur en Arctique et en Antarctique. Alors en Antarctique, ça n'avait jamais été observé depuis que Concordia existe. Quand même, en regardant les archives, par exemple à Vostok, où il y a des enregistrements qui remontent encore plus loin, il y avait régulièrement des vagues de chaleur qui passaient pendant l'hiver. J'ai souvenir d'avoir retrouvé dans un endroit un moins 35 à Vostok au mois de juillet, alors que la température est plutôt vers moins 70. Donc en fait, il y avait des événements comme ça. Celui-là, par contre, a l'air plus intense. Mmh. Mais il y avait déjà des événements comme ça. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Jérôme Chaplaz, on n'a pas d'archives concernant les températures pour les pôles aussi vieilles que pour les continents, que pour nos latitudes à nous. Ça a toujours été compliqué d'accès et on a du mal à remonter dans l'histoire des températures des pôles. Tout à l'heure, sur la station franco-italienne Concordia, au cœur de l'Antarctique, les mesures de température ont débuté il y a 25 ans, quand on a débuté la construction de la station. Au niveau de l'Antarctique en général, les mesures météorologiques ont débuté avec l'année géophysique internationale 1957-58, donc on a relativement peu de recul. Toutefois, comme le disait Catherine, pour ce qui est de ces espèces de coups de chaud tels qu'on a pu l'observer le 18 mars à Concordia, on sait que ça se produit en hiver. Ça se produit en hiver, quand on regarde l'évolution des températures mesurées sur 25 ans à Concordia, on a, je dirais, du mois d'avril, donc on est bien dans l'hémisphère austral, hein, donc l'hiver en gros débute au mois d'avril et se termine au mois de septembre. On voit régulièrement des pics de température de l'ordre de 30 à 40 degrés qui durent quelques jours, et puis qu'après on revient à la température normale qui est de l'ordre de moins 70, moins 75 degrés Celsius. L'originalité de ce qui s'est produit le 18 mars, c'est justement que ça se produise un mois de mars. Donc il y a peut-être un mécanisme qui est en train de se mettre en place qu'il va falloir étudier et comprendre. Est-ce que, Catherine Ritz, il y avait eu dans les mois qui ont précédé le mois de mars des signes avant-coureurs de ce type de phénomène-là, des fontes particulières? Est-ce que la banquise, par exemple, présentait des signes de faiblesse particuliers, que ce soit en Arctique ou en Antarctique? Alors effectivement, en Antarctique, il y a eu la banquise, l'étendue de la banquise a atteint un minimum pour l'été. Enfin, ça a été montré avant la vague de chaleur. Donc peut-être qu'il y a un lien parce que pendant pas mal d'années, on avait l'impression que la banquise augmentait, l'étendue de banquise augmentait autour de l'Antarctique. Depuis 5 ans à peu près, ça avait plutôt l'air de diminuer, mais il faut voir que c'est dans la variabilité naturelle. Mmh. Et comme toujours, on n'a que 40 ans d'observation satellite pour voir ce genre de choses. Donc faire la différence entre ce qui est variabilité entre la météo et le climat pour la glace, c'est compliqué. Oui, Jérôme Chaplaz, ça c'est hyper important de faire cette distinction entre météo et climat, et c'est pour ça que votre parole sera toujours empreinte de prudence quand il s'agira d'attribuer ces pics de chaleur ou non au réchauffement climatique. C'est que en termes de recul, de données, on n'a pas assez de recul temporel pour pouvoir estimer que ces pics de chaleur sont directement liés au réchauffement climatique. Oui, tout à fait. C'est une difficulté quand on parle aux citoyens en général de l'évolution du climat et quand on mentionne ce type d'événement qui est en fait à l'échelle météorologique, c'est-à-dire à l'échelle de la journée ou de quelques jours. Il faut rappeler les fondamentaux, hein. Le climat, c'est la météorologie moyennée sur 25 ans. Et on a besoin de regarder l'évolution de la température, des précipitations, du vent, sur ces grandes échelles de temps pour établir ce qu'on appelle la climatologie d'une région. Et regarder comment cette climatologie évolue. C'est un peu comme si on disait, aujourd'hui il fait chaud en France, on a une température probablement de 15 degrés en moyenne, et puis en fin de semaine on va avoir un coup de froid. Et on va dire, mais on va vers un refroidissement climatique. Mmh. Non, pas du tout. Le fondamental, c'est qu'on va toujours vers l'été. Et donc on aura dans 3 mois des températures de 30 degrés en moyenne en France. Et donc quand on compare les événements météorologiques tels qu'on les discute aujourd'hui et la climatologie, c'est vraiment une distinction à garder en tête. Mmh. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que là, on est quand même confronté à une forme d'anomalie avec ces pics de chaleur, Catherine Ritz, puisque je crois que, par exemple, en Antarctique, on avait constaté des hausses de température à l'ouest du continent, mais pas à l'est. Or, cette fois, les pics de chaleur ont concerné l'est. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, juste à partir de cette observation ? Je suis pas. C'est ce qu'on observe en Antarctique de l'Ouest et en péninsule, c'est effectivement une tendance. Tandis que là, je suis pas sûre qu'on puisse tirer une conclusion de cet événement. Par contre, c'est vrai que dans le cadre d'un changement climatique et vers un réchauffement climatique, on s'attend à ce que les événements extrêmes soient plus extrêmes. Donc c'est peut-être un signe comme ça. Mais pour l'instant, l'attribution est pas possible. Jérôme Chaplaz, sur cette question que voilà, ces pics de chaleur ont concerné davantage cette fois-ci l'est du continent antarctique, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans les recherches des scientifiques? Alors pour ce qui concerne le coup de chaud sur le plateau antarctique, on parle quand même d'une région où on est à plus de 3000 mètres d'altitude, où quand ça s'est produit, la température était de l'ordre de moins 50 degrés. Les conséquences sont quasiment négligeables. Il y a eu un petit peu plus de précipitations neigeuses. On est sur un lieu à Concordia où il tombe chaque année en moyenne 10 cm de neige. Et là, ils ont eu en seulement quelques jours quelques centimètres de neige. Alors à notre échelle française, ça paraît rien, quelques centimètres de neige. À l'échelle de Concordia, c'est énorme. Donc les conséquences, effectivement, ça a été ça. En revanche, il y a une conséquence plus importante qui d'ailleurs a été mise en évidence par nos collègues de Grenoble qui ont publié dans Nature il y a seulement 15 jours, c'est que la production en fait de ces rivières atmosphériques qui sont à l'origine du coup de chaud qu'on a observé à Concordia conduit à ce que les plateformes de gaz flottante, donc les grandes zones de gaz flottante en face de la péninsule antarctique, en fait se sont brisées avec des fréquences plus importantes lorsque ces rivières atmosphériques traversent les zones en question. Donc on a découvert qu'il y a des mécanismes qui couplent en fait ces rivières atmosphériques avec le devenir des plateformes de gaz flottantes. Et derrière, on a la question fondamentale du niveau des mers, puisque la présence ou l'absence de ces plateformes de gaz flottantes contrôle, et là Catherine pourra en parler bien plus en détail puisqu'elle est grande spécialiste en la matière, l'écoulement des glaciers qui eux sont posés sur le socle rocheux et donc qui vont impacter le niveau des mers. Alors là, vous devancez un tout petit peu notre discussion avant de parler des conséquences. On va bien évidemment parler des causes et de ces fameuses rivières atmosphériques que vous mentionniez à l'instant. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Si on essaie donc de comprendre les causes de ces fortes températures en Antarctique, on va commencer par évacuer, Jérôme Chaplaz, la question d'un plus fort ensoleillement, puisque à cette saison de l'année, au mois de mars, au sud, le soleil n'est pas forcément une source de chaleur particulièrement importante. Mais il y a ce phénomène qui retient l'attention, que vous évoquiez à l'instant, celui des rivières atmosphériques. Alors en quoi consiste exactement ce phénomène et quelle en est la fréquence ? Oui, en effet, le soleil joue relativement peu de rôle au mois de mars puisqu'on va vers l'hiver austral et donc il passe sous l'horizon pendant la nuit alors qu'il restait 24 heures sur 24 au-dessus de l'horizon pendant l'été. Ces rivières atmosphériques, c'est quoi ? Ce sont des espèces de filaments d'air relativement chaud et humide qui vont se former aux moyennes et voire basses latitudes pour ensuite traverser l'atmosphère et traverser notamment l'Antarctique. Dans le cas de cette rivière atmosphérique qui a traversé le haut plateau antarctique et qui a affecter la température de Concordia, sa naissance trouve probablement sa place autour de l'Australie. Et donc vous imaginez de l'air quelque part qui est au-dessus de l'Australie, à quelques milliers de mètres d'altitude, relativement chaud et humide, et qui va traverser sur plusieurs milliers de kilomètres l'ensemble du continent antarctique. Donc c'est ça qui conduit à ces coups de chaud qu'on observe habituellement en hiver austral, et qui là s'est produit pendant la transition entre l'été et l'hiver. Quelle est la fréquence normale, on va dire, de ces phénomènes-là, et là qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme dérèglement, entre guillemets? Alors, pendant l'hiver austral, on en observe parfois plusieurs dizaines, ça dépend des années. Il y a des années qui sont relativement calmes, d'autres années où on observe à Concordia ou à Vostok ces coups de chaud de jusqu'à 30-40 degrés qui peuvent se produire par dizaines. Dans une observation dans ce cas-ci au mois de mars, je crois savoir que c'est la première fois qu'on l'observe, encore une fois avec 25 ans de couverture temporelle dans ces régions. Il y a un autre phénomène qui a été relevé aussi pour ces pics de chaleur, c'est un renforcement du vent d'ouest, toujours en Antarctique. Alors, quelles conséquences peut avoir ce renforcement du vent d'ouest? Alors, le renforcement du vent d'ouest a tendance à jouer un rôle sur ensuite l'extension de la gaz de mer et les échanges en fait de chaleur entre l'océan profond et l'océan de surface. Donc un accroissement en fait du vent d'ouest aura tendance à quelque part chasser l'eau de surface et faire en sorte que des eaux plus chaudes en profondeur puissent remonter. Et ça a des conséquences sur le stockage de l'énergie que l'on peut retrouver dans l'océan austral, hein, l'océan qui entoure l'Antarctique, mais également sur les échanges de gaz carbonique, puisqu'il faut savoir que l'océan austral est un gros piège à gaz carbonique, et notamment une bonne partie du gaz carbonique émis par l'activité humaine est piégé par cet océan. On ne sait pas jusqu'à quand. Catherine Ritz, est-ce que vous voyez d'autres éléments à mentionner concernant les causes potentielles de ces pics de chaleur pour l'Antarctique, ou bien est-ce qu'on passe maintenant aux causes qui ont causé ces pics de chaleur en Arctique cette fois? Eh bien, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que les changements de vent et les changements que ça induit sur l'océan, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les plateformes de glace flottante. Parce que c'est justement quand de l'eau plus chaude arrive sous ces plateformes, ça les fait fondre. Et c'est beaucoup plus efficace que le réchauffement atmosphérique, en fait. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on pense que les plateformes comme celle de Thwaites, qui est en Antarctique de l'Ouest et qui est l'objet de plein d'études. On en parlera bien sûr tout à l'heure de cette plateforme de Thwaites qu'on appelle un peu le glacier de l'apocalypse. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on insiste un petit peu sur les causes de ces pics de chaleur. Alors peut-être que on passe maintenant aux causes de ces pics de chaleur en Arctique. Est-ce que d'une façon générale, l'Arctique se réchauffe de façon plus régulière que l'Antarctique, Catherine Ritz? Ah oui, clairement. Il y a en Arctique, il y a un phénomène qu'on appelle l'amplification arctique. Et pour, mettons, 1 degré de réchauffement global, il y a à peu près 2 degrés de réchauffement en Arctique. Donc en fait, l'Arctique se réchauffe deux fois plus. Et il y a plusieurs phénomènes avec de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive qui peuvent expliquer ça, en particulier la boucle sur la glace de mer. Donc la glace de mer qui est la mer quand la mer gèle, la glace de mer est souvent couverte de neige et du coup a un albédo, c'est-à-dire une capacité à réfléchir les rayonnements solaires très très grande. Et le cercle vicieux, c'est pour une raison quelconque, l'océan est plus chaud, l'atmosphère est plus chaude, la glace de mer disparaît. Et du coup, il y a plus de chaleur qui est absorbée par l'océan. Et à nouveau, ça fait refondre plus de glace de mer. Et voilà. Et ça, c'est un phénomène crucial dans l'Arctique qui se passe pas en Antarctique puisque c'est un continent entouré de glace de mer. C'est pas les mêmes latitudes. Et la neige sur les continents arctiques peut jouer un rôle un peu du même genre, en fait. Jérôme Chaplaz, alors il y avait une étude parue dans Nature Climate Change en 2020 qui avançait que d'autres raisons au réchauffement de l'Arctique, c'était les substances appauvrissant la couche d'ozone. Quelles sont ces substances-là en résumé, et quelles sont leurs conséquences directes sur le réchauffement de cette région du monde? Alors, ce qu'on appelle les substances appauvrissant la couche d'ozone, ce sont les CFC, les chlorofluorocarbures, et leurs substituts que l'on a mis en place depuis le protocole de Montréal, ayant conduit à bannir ce qu'on appelait les CFC 11 et CFC 12, qui étaient ces chlorofluorocarbures qu'on retrouvait notamment dans nos réfrigérateurs des années 80. Il se trouve que ces composés, ils sont constitués d'hydrogène, de carbone, mais surtout de composés halogénés, c'est-à-dire du chlore, de l'iode, du brome, du fluor. Et quand ces composés montent dans la haute atmosphère, il se trouve qu'ils ne sont pas détruits dans la basse atmosphère. Ils sont transportés par les courants vers la haute atmosphère. Et une fois dans la haute atmosphère, le rayonnement ultraviolet très puissant que l'on retrouve à au-delà de 10 km d'altitude fait que ces molécules sont cassées. Et une fois qu'elles sont cassées, il y a une chimie assez complexe qui se met en place, qui conduit à la destruction de l'ozone. C'est ce qui a conduit à la formation du trou d'ozone qu'on a découvert dans les années 80 au-dessus de l'Antarctique, qui est maintenant petit à petit en voie de rémission parce que le protocole de Montréal a conduit à mettre en place des composés remplaçant les premiers CFC de manière à ce que ces composés se détruisent plus vite dans la basse atmosphère et arrivent en moins grande quantité dans la haute atmosphère, là où ils sont extrêmement impactants pour l'ozone. Mmh. Catherine Ritz, on parle donc de ces substances appauvrissant la couche d'ozone. Est-ce que d'autres gaz à effet de serre sont en cause? Est-ce qu'on peut quand même attribuer sans trop prendre de risques ces pics de chaleur en Arctique et en Antarctique à des activités humaines polluantes? Clairement, le réchauffement en Arctique est lié au réchauffement global. C'est très net. En Antarctique, sans doute pour la péninsule Antarctique, pour l'instant, je suis pas sûre que ça soit significatif pour l'Antarctique de l'Est, par exemple. Mmh. Et je crois que dans la baie d'Amundsen, c'est le seul endroit où un réchauffement est significatif en Antarctique de l'Ouest. Jérôme Chaplaz, on évoquait tout à l'heure l'absence de données d'archives concrètes et précises concernant les températures en Arctique et en Antarctique. Est-ce que on a des données paléoclimatiques qui témoignent quand même de grande instabilité dans ces régions polaires? Est-ce que là-dessus, on a pu faire des carottages qui nous témoigneraient de périodes où ces régions polaires ont connu des fortes températures? Oui, tout à fait. Ça a été d'ailleurs, et c'est toujours une des grandes spécialités du laboratoire auquel Catherine et moi-même appartenons. Donc, ce laboratoire où la science des carottes de glace a été mise en place il y a 60 ans par le glaciologue Claude Lorius. Donc, effectivement, on va au Groenland, on va en Antarctique, on conduit ces carottages au travers des glaciers jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur, et on remonte de la glace qui s'est formée il y a plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'années. Et grâce à cette glace, on peut reconstituer l'évolution de la température. Quand on le fait au Groenland, on s'est rendu compte, grâce à l'analyse de ces carottages au Groenland, qu'il y a eu dans le passé des événements de changement de température à l'état naturel extrêmement abrupt. C'est ce qu'on appelle les événements de Damsgaard-Oeschger, du nom des deux scientifiques suisses et danois qui les ont découverts. Et quand on dit réchauffement très important, on est en pleine glaciation, vous imaginez la Terre en pleine glaciation avec un niveau des mers 120 mètres plus bas, d'immenses glaciers recouvrant le Canada, la Fennoscandie, donc les États scandinaves. Et au Groenland, alors qu'il fait une température plus basse de l'ordre de 20 degrés par rapport à la température d'aujourd'hui, tout à coup le climat va se réchauffer de 15 à 20 degrés. Et ça en seulement une à deux décennies. Et en fait, on a pu relier la formation de ces événements, encore une fois d'origine naturelle, à l'évolution de la circulation océanique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est transportée notamment dans l'océan Atlantique Nord et qui est relarguée ou non dans les hautes latitudes, notamment en mer de Norvège et en mer du Groenland. Et en fait, ces coups de chaleur qu'on a observés dans le passé sont liés au fait que cette espèce de tapis roulant qui transporte de la chaleur des tropiques vers les hautes latitudes nord se remet en route et donc relargue énormément de chaleur qui réchauffe le Groenland. C'est un phénomène qu'on a observé pendant les glaciations. En revanche, pendant les périodes chaudes qu'on a pu étudier, on a observé un seul de ces événements relativement marqué, il y a 8200 ans exactement. On va pouvoir poursuivre cette discussion dans un instant et notamment aborder la question des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme de ces pics de chaleur. Mais avant cela, comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main avec aujourd'hui Justine Caillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse sous la direction de Nicolas Jourdain à l'Université Grenoble-Alpes. Votre thèse s'intitule « Variabilité du système océan-calotte en mer d'Amundsen en Antarctique de l'Ouest ». C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitudes. Merci Monsieur Morin, je crois que cette citation reflète assez bien notre connaissance de la hausse future des niveaux des mers. Nous sommes certains que le niveau des mers va augmenter d'ici la fin du siècle, c'est notre archipel. Mais de combien? La question reste entière, c'est l'océan d'incertitude. Cette hausse dépendra évidemment de notre capacité à nous, humains, de limiter le réchauffement climatique. Prévoir cette hausse, selon différents scénarios d'émissions anthropiques de gaz à effet de serre, mobilise toute une partie de la communauté scientifique, dont vous avez un aperçu au travers du très fourni rapport du GIEC. Un des grands enjeux est de réduire les incertitudes sur les processus physiques, par exemple celles liées au risque d'instabilité des calottes polaires qui pourraient contribuer de manière plus précoce et importante que prévu à la hausse du niveau des mers d'ici la fin du siècle. Plusieurs processus peuvent influer sur cette instabilité. Ma thèse se focalise sur l'un d'entre eux, l'influence de l'interaction océan-calotte sur la stabilité de la très lointaine calotte antarctique au pôle sud. Et là, vous vous dites, oh non, elle va en faire des tartines pour nous expliquer son travail sur un seul et unique processus. Et bien justement, parlons tartines. La calotte antarctique, à ne pas confondre avec la banquise qui est simplement le regel superficiel de l'océan, la calotte, elle, repose sur un socle rocheux et est le résultat d'une accumulation de glace depuis des millions d'années. Mais une calotte n'est pas figée. Elle n'est pas de glace. Enfin, façon de parler. En réalité, elle s'écoule. Et c'est là qu'intervient la tartine. L'écoulement de la calotte s'apparente à celui du miel sur votre tartine. Oui, oui, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous vous attachez à mettre le miel au centre de la tartine pour éviter qu'il ne coule sur la table. Mais rien à faire. Eh bien, la calotte a le même comportement. Elle s'écoule sous son propre poids et s'écoule même jusque sur la mer, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, avant de se déliter en de très photogéniques icebergs aux teintes bleues. Ces parties qui s'avancent sur la mer sont appelées les plateformes flottantes. Et ce sont précisément ces zones qui m'intéressent, puisqu'en contact direct avec l'océan. Bon, revenons-en à la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire au sujet de thèse. Un des objectifs est de mieux comprendre comment interagissent océan et calotte au droit des plateformes flottantes, et notamment, est-ce que des perturbations atmosphériques, par exemple des changements de température de l'air ou de la précipitation, seraient susceptibles de modifier les propriétés océaniques et donc, par effet boule de neige, la fonte sous les plateformes flottantes. Pour étudier cela, pas question pour moi d'aller voir les manchots. Je reste bien au chaud devant mon ordinateur. Pas très glamour, me direz-vous ? Certes. Mais bon, il paraît que l'aventure, c'est mon imaginaire. Merci Monsieur Horry, il faut bien joliver le quotidien. Mais de l'imaginaire, il y en a, rassurez-vous. Le travail de thèse repose sur des modèles numériques. Un pour l'écoulement de la calotte antarctique, et un autre pour l'océan. Et ce qu'il y a de bien avec ces modèles, c'est qu'il est possible, en quelques jours seulement, de faire des projections de l'avenir de la calotte antarctique et de l'océan sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, avec n'importe quel climat. Pas mal, non ? Bref, du coup, je crée des perturbations atmosphériques, et je surveille attentivement si océan et calotte présentent des points de bascule. Autrement dit, est-ce qu'une faible modification du climat peut engendrer une variation abrupte de la température et de la salinité de l'océan, et donc modifier radicalement la fonte de l'Antarctique ? En fait, la calotte et l'océan sont un peu comme un funambule. Il avance sur son fil, s'adapte en permanence au déséquilibre, mais parfois, sous l'effet d'une certaine perturbation, tombe de son fil, puis tente de se rétablir. Parfois il y arrive, on parle de changement réversible pour l'océan ou la calotte, mais parfois non, on parle d'irréversibilité. Eh bien, sachez que nos modèles montrent que ces changements abrupts ont certainement existé dans le passé et devraient exister dans l'avenir. Peu rassurant. Il est donc impératif de prendre en compte l'interaction océan-calotte pour affiner les projections de contribution de l'Antarctique au niveau des mers. Bref, il y a encore du pain sur la planche, et pas que pour les tartines. En espérant ne vous avoir pas trop refroidi, mais plutôt rafraîchi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Justine Caillet, c'était très clair. Je réutiliserai l'image de la tartine avec plaisir. Une réaction, Jérôme Chaplaz, à cette présentation et à ce travail de thèse ? Bah écoutez, je suis admiratif quant au talent de nos jeunes pour expliquer en des termes simples une science qui, a priori, est quand même assez complexe. Donc je prends également l'analogie de la tartine avec le miel et l'analogie du funambule. Je pense que je les recyclerai par la suite. Catherine Ritz, une réaction ? Ma réaction, c'est peut-être de donner des chiffres sur quelle montée de niveau des mers ça correspond. Le simple glacier, la simple région sur laquelle travaille Justine, c'est son bassin versant, c'est l'équivalent de 3/4 mètre, 75 centimètres de montée du niveau des mers. Alors ça peut pas se faire d'un coup, mais c'est quand même à l'échelle de quelques siècles, c'est quand même possible à l'échelle de quelques siècles. Donc ça a des conséquences énormes sur des millions de personnes. Donc ça a pas l'air comme ça, on se dit ouais c'est un glacier il fait 120 km de large, il fait 700 km de long et donc un bassin versant énorme et du coup c'est vraiment un processus mais qui implique des potentiellement des grandes conséquences. Reste avec nous justement, parce qu'on va poursuivre dans un instant cette discussion et on va essayer de comprendre les conséquences de ces pics de chaleur en Arctique et en Antarctique, aussi bien au niveau régional qu'au niveau global. Ce sera juste après ça. Smile par Subcity dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des records de température enregistrés au pôle au mois de mars. Et nous en parlons avec Catherine Ritz, glaciologue, directrice de recherche émérite à l'Institut des géosciences de l'environnement et présidente du Comité national français des recherches arctiques et antarctiques. Nous sommes également en compagnie de Jérôme Chaplas, directeur de recherche CNRS au laboratoire de glaciologie de Grenoble, ancien directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et président de la fondation Ice Memory. Nous en arrivons à présent au reportage du jour. Le réchauffement climatique induit dans ces régions polaires des transformations souvent irréversibles. Bonjour Céline Dozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé au laboratoire de géographie physique, l'Institut de géographie de Sorbonne Université, pour en savoir plus sur ces mécanismes physiques et comment on les étudie. Et oui, parce que le réchauffement induit des transformations significatives sur le paysage. En Islande, typiquement, avec la fonte des glaciers, c'est tout l'écosystème qui bouge. J'ai rencontré Denis Mercier, professeur de géographie physique. Il est spécialiste de la géomorphologie para- et périglaciaire. Il arpente le terrain pour étudier les effets de la déglaciation et mesurer l'impact de la fonte des glaciers et notamment les glissements de terrain qu'il cherche à dater par des sondages profonds dans les zones de tourbière. La géomorphologie paraglaciaire, c'est finalement comprendre les périodes de déglaciation. Donc quand le climat se réchauffe, les glaciers fondent, et il y a deux conséquences. Il y a la fonte des glaces qui alimente de l'eau liquide, et donc qui entraîne un accroissement des processus d'érosion des rivières, alimentées par cette fonte des glaciers. Et puis, une des conséquences, c'est donc les apports supplémentaires de sédiments jusqu'aux littoraux, et donc la croissance, la gradation de ces deltas. Donc ça, c'est une des conséquences de ce qu'on appelle la géomorphologie paraglaciaire. Et puis il y en a une autre qui est la fonte des glaciers qui déstabilise les parois des versants, des montagnes, et qui entraîne des glissements de terrain. Donc ça, c'est une autre grande dynamique que j'ai étudiée cette fois en Islande. Alors pour dater les glissements de terrain en Islande, on a procédé par mesure de terrain, c'est-à-dire qu'on a fait des sondages à l'intérieur des dépôts des glissements, parce qu'on a des dépressions intra-glissements qui sont composées de tourbières. Et donc en faisant des sondages, des carottages à l'intérieur de ces tourbières, on retrouve des éléments qui sont très précieux pour la datation, des cendres volcaniques, donc les téfras, Mais on a des tephras qui sont très anciennes, comme la Saxunarvatn, qui est une cendre qui a 10 200 ans. Donc là, c'est cette cendre-là, quand on la retrouve dans le dépôt, ça veut dire que notre glissement il est forcément antérieur à cette cendre qui s'est accumulée à l'intérieur de cette masse. Et dans cette stratigraphie, on observe donc des cendres, on recherche donc ces cendres volcaniques qui nous donnent parfois un calage chronologique qui est extrêmement précis. Et puis, on retrouve aussi des restes, comme ce sont des anciennes tourbières, on retrouve des restes de bouleaux, d'arbres, qu'on arrive à, donc on les prélève et on arrive à les dater au carbone 14. Et quand on fait des relevés cartographiques, c'est simplement des relevés de position, on s'aide de balises, de satellites? Alors, pour les relevés cartographiques, on utilise, pour la cartographie préliminaire, on utilise tout ce qui est imagerie, soit l'imagerie de photographie aérienne. Donc, en Islande, on a la chance d'avoir une couverture qui est d'une très grande précision. On peut utiliser aussi des images de l'imagerie satellitale. Et on passe du temps, des heures et des heures et des heures sur ces images, sur ces photographies aériennes pour repérer ce qu'on a vu tout à l'heure, les cicatrices d'arrachement, les dépôts, qui s'identifient assez bien quand on a l'œil, au bout d'un moment, par rapport à leur environnement, parce que ça fait des boursouflures, ça fait des cicatrices d'arrachement, la courbe de la paroi du plateau n'est pas la même. Vous êtes devenu un bon diagnosticien. C'est ça. Donc on fait un diagnostic de terrain, on fait une cartographie préliminaire, et une fois qu'on a cartographié la position de ces glissements de terrain, bien, quand on va sur les sites, on fait d'abord une sélection des sites qui, a priori, sont plus propices pour nous donner des éléments de datation. Et une fois qu'on est sur place, eh bien, on parcourt le dépôt du glissement de terrain. On regarde donc l'agencement avec les plages soulevées. On regarde dans les zones s'il y a des zones qu'on a identifiées comme étant des zones potentielles dans lesquelles on pouvait faire des sondages. Et puis après, c'est un peu la chance parce que on a prospecté dans de nombreux glissements de terrain où, à la fin de la journée, on avait fait des sondages et on n'a aucun élément de datation parce qu'il n'y a pas de cendres volcaniques, il n'y a pas de... Donc c'est un peu la loterie et on est effectivement très heureux quand, à la fin de la journée, on a trouvé un sondage qui nous livre des éléments de datation. Par exemple, ici, sur cette photographie en Islande, vous avez un grand glissement de terrain sur lequel nous avons travaillé, qui s'appelle donc le Hofdaolar, qui se situe... Alors vous pouvez le caractériser comme ça, parce qu'on voit vraiment une pente nette, comme une chute, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On la qualifie d'avalanche rocheuse. Là, vous avez la zone, vous avez un plateau, vous avez la cicatrice d'arrachement, et puis la masse rocheuse qui a glissé jusque dans les eaux du fjord que vous voyez ici à droite, eh bien, à une distance de plus d'un kilomètre. Et donc, cette distance de parcours montre qu'on a bien eu une avalanche rocheuse, et puis c'est dans ce dépôt-là que nous avons fait les sondages au sein desquels on a pu obtenir des éléments de datation. Et sur cette image, vous voyez aussi très bien les plages soulevées dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ces champs cultivés, parce que ce sont des surfaces horizontales que vous retrouvez ici. Et donc, c'est dans ce glissement qu'on a trouvé, donc sur cette photographie-là, vous voyez à l'intérieur de ces glissements, vous voyez des zones de tourbières. Et dans ces zones de tourbières, c'est là qu'on creuse, qu'on fait les sondages qui nous permettent d'espérer de retrouver des cendres volcaniques, des tephras ou des charbons. Et là, c'est la distribution. Par exemple, sur cette figure-là, on retrouve toute la distribution des 17 glissements que nous avons datés avec plus ou moins de précision. Vous voyez que les marges d'erreur sont plus ou moins grandes entre le début de la déglaciation et puis le tout début de l'Holocène. Hein, donc des glissements de terrain qui se mettent en place très tôt pendant cette période de crise paraglaciaire au moment de la déglaciation de l'Islande. Et donc, à partir de 2022, de cet été, je vais retourner en Islande, mais non plus dans la partie nord de l'Islande, mais dans les fjords du nord-ouest, où on avait déjà fait un travail préliminaire de cartographie des glissements de terrain. On a donc plus d'une centaine de glissements de terrain, et pour lesquels on a une idée de la chronologie de la déglaciation, et surtout de la correspondance assez nette, comme vous le voyez sur ces cartes, entre le retrait des glaciers et l'apparition de ces glissements de terrain. Aucun d'entre eux n'a été daté avec précision. Et donc, j'ai déposé un programme auprès de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, et nous avons obtenu le soutien de l'Institut polaire pour aller mener des campagnes de terrain, pour aller essayer de dater ces glissements de terrain. Voilà pour ce reportage au laboratoire de géographie physique de l'Institut de géographie de Sorbonne Université. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jérôme Chaplaz? Mais écoutez, je pense que c'est intéressant d'entendre ce type de témoignage parce que ça montre la diversité des processus à l'œuvre dans un contexte de réchauffement climatique. En l'occurrence, l'étude, ça concerne un changement climatique naturel qui était de quitter la glaciation il y a 18 000 ans pour rejoindre la période chaude que l'on qualifie d'Holocène qui a débuté il y a 11 500 ans. Mais par l'étude de ces processus, on peut anticiper ce qui va se passer dans un climat encore plus chaud. Mmh. On a parlé effectivement des glissements de terrain, on pourrait parler également du réchauffement des sols gelés qui vont conduire à des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, que ce soit du gaz carbonique ou du méthane, à la transformation de la toundra en forêt boréale. Enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup de processus qui se mettent à l'œuvre aujourd'hui en Arctique, dans ce climat changeant et de plus en plus chaud. Justement, si on se maintient dans cette région-là, Catherine Ritz, l'Arctique, quelles conséquences locales à court terme on peut identifier pour des pics de chaleur tels que ceux qu'on a identifiés en mars dernier ? Je pense que va y avoir effectivement de la fonte du sol, des sols gelés et avec pas mal de conséquences bêtement techniques parce que les routes par exemple sont construites sur du sol gelé. Si le sol dégèle, ça va poser des problèmes très importants. Il y a aussi du relargage éventuellement de tout le carbone qui est stocké dans les sols gelés et qui peut se relarguer une fois que ces sols dégèlent. Et puis, il va y avoir la glace de mer. La banquise d'été surtout diminue d'une façon assez régulière depuis pas mal d'années. On l'observe, on sait qu'en plus la glace actuelle est plus fine qu'elle n'était avant, donc c'est quelque chose qui participe à la perte de glace parce que c'est la glace fine se déforme plus facilement, se casse plus facilement et du coup part plus facilement aux basses latitudes que quand elle est très épaisse. Et je pense que ces épisodes de chaud peuvent avoir un effet sur en touchant les systèmes les plus fragiles comme la glace de mer ou la neige d'hiver. Mmh. Peuvent avoir un effet qui fait passer des seuils successifs et qui peuvent amplifier encore les choses. Et c'est pas très facile d'attribuer à un processus vraiment l'amplification arctique, par exemple, mais la variabilité peut jouer un rôle parce que c'est la fonte de la neige, c'est quelque chose qui est absolument pas linéaire. Il y a un seuil. Je sais plus. Il y a un rapport du GIEC qui dit on peut pas négocier avec le point de fusion de la glace. C'est un peu ça. C'est un des grands seuils qu'il y a sur Terre. Et du coup, ça des petits effets, des petites périodes très chaudes peuvent avoir de grandes conséquences. Avoir des grandes conséquences. Mmh. Jérôme Chaplas, si on élargit un petit peu à des régions plus vastes que celles uniquement de l'Arctique, quelles conséquences ça peut avoir à l'échelle plus globale, ce type de pic de chaleur en Arctique? Et voilà, comment on peut évaluer ça? Alors, je pense qu'il faut en revenir au mécanisme qui effectivement explique ce type de coup de chaleur en Arctique. C'est essentiellement lié au fait que, normalement, les hautes latitudes de l'Arctique et les latitudes tempérées où nous vivons, nous, sont séparées par ce qu'on appelle le jet stream, mmh. qui est un courant atmosphérique de haute altitude, extrêmement fort, extrêmement violent, qui isole ces masses d'air. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est que ce fameux jet stream est en train de s'amoindrir et de créer des méandres. Et ces méandres impliquent quoi? Ils impliquent que de l'air froid de l'Arctique peut descendre sur nos latitudes tempérées, et à l'inverse que de l'air chaud de nos latitudes tempérées monte en Arctique, ce qui s'est produit avec ce coup de chaleur. Donc il y a des conséquences très très directes sur la météorologie telle qu'on peut la vivre notamment en Europe. Mmh, cet air froid qui nous vient de l'Arctique, c'est ce qu'on appelle ces anomalies froides qui nous viennent de l'Arctique pendant l'hiver boréal. Et exactement. Et il y a quelque chose, là on a beaucoup parlé du monde physique, mais je pense qu'il est important également de parler du monde du vivant. Oui. Il se trouve qu'avec cette évolution notamment en Arctique, on a des conséquences importantes sur le vivant. Ça se produit par l'augmentation du gaz carbonique. Le gaz carbonique est un gaz acide qui se dissout dans l'océan et il augmente l'acidité de l'océan. et augmentant l'acidité de l'océan, il fait que des micro-organismes vivant avec des petites coquilles de calcaire qui les protègent, et bien ces petites coquilles de calcaire, petit à petit, elles se dissolvent, parce qu'elles sont présentes dans une eau qui est plus acide. Et là, on parle du départ de la chaîne alimentaire. Donc vous imaginez les conséquences ensuite quand on remonte tout au long de la chaîne alimentaire. D'autre part, on voit avec le réchauffement des eaux, notamment de l'Arctique, des espèces qui jusqu'ici vivaient, des espèces de poissons qui vivaient dans l'Atlantique Nord, qui sont en train de remonter vers l'Arctique et rentrer en compétition avec des espèces endémiques. Alors les conséquences, c'est difficile de les évaluer, mais en tout cas sur les ressources en pêche, on aura des conséquences évidentes sur le type de poisson que l'on va trouver ensuite dans les hautes latitudes. Si on vient maintenant aux latitudes plus antarctiques, Catherine Ritz, vous évoquiez tout à l'heure les conséquences de ce type de pic de chaleur sur des glaciers qui sont sous surveillance, sous très haute surveillance, comme le glacier Thwaites. Rappelez-nous un petit peu l'envergure de ce type de glacier-là, et justement les conséquences que peuvent avoir ces pics de chaleur sur ce type de structure. Alors, le glacier Thwaites, c'est un des plus grands glaciers d'Antarctique, si ce n'est le plus grand. Il fait 120 km de large. Il draine une région qui fait plus de 700 km de long. Et ce glacier, en arrivant à la mer, il flotte, comme la plupart des glaciers antarctiques. Il flotte et sa partie flottante, justement en ce moment, repose sur des petits îlots et est maintenu un petit peu par des petits îlots. Et ce qu'on voit, c'est que peu à peu, cette partie flottante se fracture de plus en plus. Et ça, c'est lié à la fois au réchauffement de l'océan, donc l'intensification des vents ou des arrivées de masses d'eau chaude. Et ça peut aussi être favorisé par une vague de chaleur qui, en fondant la neige en surface, l'eau descend dans les crevasses et peut faire ce qu'on appelle de l'hydrofracturation. Alors c'est comme pour le pétrole, mais là c'est sur la glace. Mmh. Ça peut faire éclater la glace. Et donc ça fait un double danger pour ce glacier. Et honnêtement, d'après les dernières mesures, on voit que les crevasses se propagent et les chercheurs américains qui travaillent dessus, en particulier Erin Petit, qui a fait des mesures la saison dernière. On voit que la propagation des crevasses laisse penser que d'ici 5 ans, cette partie flottante va casser. Et à ce moment-là, ce glacier peut passer dans un mode, c'est comme l'équilibriste sur son fil. En fait, il peut tomber. Et ça va mettre du temps, mais on peut s'attendre à ce que ce glacier se mette à aller de plus en plus vite et que l'endroit où il se met à flotter recule vers l'intérieur de la calotte et que ça soit le début d'une instabilité. Mmh. C'est une instabilité mécanique qui est compliquée à voir, mais c'est comme un caillou qui dévale une pente, en fait. Oui. Et avec la possibilité que ça soit, disons, irréversible aux échelles de temps humaines. Jérôme Chaplaz, ce type de constat fait un peu froid dans le dos, d'où mon mutisme. Ces conséquences à l'échelle globale, là, elles sont pour le coup dramatiques, sur notamment la hausse du niveau des mers. Oui, c'est délicat pour nous, que ce soit Catherine ou moi, de devoir rappeler ces faits. Mais voilà, le réchauffement climatique, il est à l'œuvre. Et les enjeux en matière de mécanismes et de conséquences sur nos sociétés, ils ne font effectivement pas rire. Le niveau des mers, ça nous concerne via l'Antarctique. L'Antarctique, c'est à 15 000 km de la France. On imagine ça comme une terre d'explorateurs, une terre d'aventuriers, etc. Et pourtant, c'est une terre qui importe énormément pour nous, puisqu'elle va effectivement conditionner le futur du niveau des mers. Et pas que. Puisque quand on regarde l'océan austral, donc l'océan qui entoure le continent antarctique, c'est un océan qui aujourd'hui a stocké environ 70% de l'énergie en excès due à l'activité humaine. Et on ne sait pas jusqu'à quand cet océan va jouer ce rôle quelque part salvateur pour nous. Il est possible que, dans un horizon plus ou moins lointain, cet océan ne soit plus capable de stocker autant d'énergie, ce qui renforcerait encore le réchauffement climatique. Et tout ça, en fait, ça repose sur des mécanismes qui aujourd'hui sont relativement mal compris. Donc Catherine a déjà expliqué effectivement sur les hypothèses qu'on émet sur les relations entre les plateformes de glace flottante et l'océan, par exemple. Et pourquoi ? Parce que ce sont des lieux qui sont difficiles d'accès, les expéditions coûtent cher, elles sont difficiles à organiser. Et là, je pense qu'il va être grand temps que la communauté internationale se fédère pour mettre en place des programmes extrêmement ambitieux, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, de manière à aller mieux cerner ces processus pour éclairer les décideurs, éclairer les trajectoires trajectoire finalement climatique que l'on suivra en fonction de la quantité de gaz à effet de serre mise dans l'atmosphère. Mmh. Catherine Ritz, on parle là d'enjeux scientifiques majeurs. Quels sont justement les besoins prioritaires pour vous, chercheuses et chercheurs, concernant ces régions polaires difficiles d'accès? C'est difficile de s'y installer pour mener des recherches au long cours. Voilà, quelles sont les priorités actuelles? Les priorités, c'est un petit peu les aspects observation de ce que Justine a expliqué, c'est-à-dire cette interaction entre l'océan, la glace et l'atmosphère. En fait, on a besoin d'observations pour calibrer les modèles, et les satellites suffisent pas, parce que les satellites, ils voient que la surface, ils voient pas pour la circulation océanique. Il y a vraiment besoin de mesures. Et pour l'instant, il y a un gros projet anglo-américain. Mais parce que c'est dans une région où il y a en plus des bases disponibles, mais c'est vraiment crucial d'avoir des mesures océaniques dans la région de la mer d'Amundsen, mais aussi tout autour de l'Antarctique, parce que à courte échéance, on a le glacier Thwaites, qui est celui sur lequel on alerte depuis quand même pas mal de temps. Et c'est pas le seul. Il y a aussi celui de l'île du Pin, celui qu'on appelle le glacier Smith également, qui recule. Ils sont tous au même endroit. Voilà. Ils sont tous dans la mer d'Amundsen. Par contre, en Antarctique de l'Est, il y a au moins deux grands bassins qui seraient encore plus dramatiques. Pour l'instant, il y a une espèce de seuil physique qui fait que on s'attend pas à ce que ça craque tout de suite. Mais c'est vrai, il y a vraiment des choses à observer aussi dans ces régions-là. En particulier, quand il y a des plateformes de glace flottante, il y a une circulation océanique dessous, et il y a au moins une des cavités qui est froide. Mais il pourrait y avoir un point de bascule où cette cavité devienne chaude, comme ça s'est passé en mer d'Amundsen, et du coup qu'il y ait à nouveau un autre danger qui apparaisse. Il ne faut pas oublier non plus de regarder tous ces autres endroits. Mmh. Et c'est là où... là, par contre, c'est plus près des bases de la base française de Dumont-d'Urville, et c'est vrai que c'est vraiment frustrant d'avoir extrêmement peu de données dans cette région-là. Alors, faut reconnaître que justement à cet endroit-là, il y a des packs de glace de mer qui empêchent un petit peu l'accès. Mmh. Mais c'est vraiment des données dans ces endroits-là seraient cruciales. Un manque de données. En plus, Jérôme Chaplaz, on parle d'urgence climatique. Comment on conjugue ça avec le temps long de la recherche dans ce contexte d'urgence à apporter des résultats, sachant qu'on manipule en plus des données complexes et des phénomènes qui sont complexes à comprendre pour émettre des projections? Je pense que ça passe par les observations intenses, dans la durée et concertées. La France doit effectivement prendre sa part dans ce travail. Catherine le mentionnait, dans le secteur de Dumont-d'Urville, notre station qui fait face à l'Australie, il y a la terre de Wilkes, il y a la terre George V, sur lesquelles il y a des glaciers qui peuvent nous poser problème. Et il faut que la France prenne sa part, et ça passe par des moyens océanographiques, par l'organisation de campagnes dédiées, avec des glaciologues déployés sur le terrain, etc. Donc on ne sera pas capable de répondre à ces grandes questions si on ne met pas effectivement les moyens nécessaires pour que la science puisse se déployer dans ces conditions compliquées. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux, Catherine Ritz, Jérôme Chaplaz, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci beaucoup à l'équipe de France Bleu Isère pour le duplex du jour. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. La Méthode Scientifique, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.